toutes, bonjour à tous. J'espère que ça va super bien, hein. Vous êtes actuellement sur iFunk, l'émission Funk sur Radio Fadjet 94.2. Alors aujourd'hui, bien évidemment, toujours l'envie de vous mettre du funk et puis du disco aussi. L'objectif, on est samedi quoi là, on est là pour bouger. Bah évidemment, comme d'hab, vous faire découvrir des nouveaux sons, ou redécouvrir des nouveaux sons, et puis surtout, hein, toujours dans le funk et la bonne humeur. Alors, comme d'habitude, hein, moi j'ai juste 30 petites minutes pour vous faire découvrir un maximum de sons, et 30 minutes c'est archi court, ouais, surtout pour le funk, mais en tous les cas, j'ai des petites idées pour vous. Alors, évidemment, j'ai envie de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, j'explique un peu comment je fonctionne. D'abord, je vous mets le son, d'accord? Vous en prenez plein les oreilles, d'accord? Et ensuite, bah, je vous en parle un petit peu pour avoir des petites infos quand j'en trouve. Et puis, bah, sinon, je vous donne des infos, puisque j'en trouve toujours. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par un son que bah, je vous mets toujours des sons que je kiffe. De toute façon, je kiffe le funk. Ce son-là, il est juste fou. Ouais, j'adore le son. Vous allez écouter, d'accord? Et puis je vous laisse kiffer parce que il y a rien de mieux que le son. On commence tout de suite. Eh bien, l'émission avec Luther Vandross, Shine. Et c'est sûr, mais c'est où? Mais c'est sur iFunk, mes amis. Let's go! Show me what you got. It's about to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Nobody but stars ain't here tonight. Dancing underneath the party light. When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here just to kill. Choose a winner who has flavor, looking out for style. Only the best can pass this test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation. I think you are ready to shine. So come on and show me what you got. It's about to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Find the stars and get it tonight. Dancing underneath the party light. When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. Search for someone special. Could you be the one? If you're not, then don't get jealous. Just keep moving on. Feet to the beat, so hot the heat's bringing out the shine. So clean, so fresh, a real good kiss. So I might make you mine. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation. I think you are ready to shine. You can't give it up. So come on and show me what you got. It's about to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Ooh, the party stars ain't here tonight. Dancing underneath the party light. When I see you looking at the party light. Tonight you're gonna get your time to shine. Your time. Get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation. I think you are ready. Yo, can't give it up. So come on and show me what you got. It's about to be on, baby, now. hein, ce sont des pages géniales. Alors, ce qui est intéressant quand même, juste pour la petite info, c'est que moi j'ai tendance à vous mettre quand même pas mal de sons funk des années 60, 70, 80, mais là on est quand même en 1986 et surtout il apparaît dans The Greatest Hits, si je ne m'abuse, donc un album qui est sorti en 2003, si je ne m'abuse, je vérifie quand même parce que ça c'est de tête, hein, et c'est pas bien de vous dire des infos. Hein, comme ça. Et oui, je suis une encyclopédie. Ah, comment je me la pète. Non, sérieusement, je vous dis tout de suite. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, j'ai les infos juste à côté de moi. Et ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui, là encore. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, vous êtes encore et toujours sur la magnifique Radio Fadjet. Hein, ces ondes qui me permettent de vous procurer, de vous faire vibrer, évidemment, du funk. Hein, je suis complètement fou, ça c'est l'abus de funk et très bon pour la santé, sachez-le. Voilà, alors, donc du coup, là, on va commencer tout de suite. Un deuxième son, hein. Alors j'hésite tellement, j'ai envie de vous mettre tout d'un coup, mais vous savez quoi, on est sur le futuriste entre guillemets, c'est-à-dire des sons qui datent d'après les années 70, là on va partir encore plus récent, hein, un son qui, je me souviens, j'avais regardé même le dessin animé Funky Cops. En fait, la BO était faite par DJ Abdel, puisque DJ Abdel est connu pour reprendre pas mal de sons funky, notamment dans le Jamel Comedy Club. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais au début, il était dans le Jamel Comedy Club. C'est lui qui faisait les jingles, etc. Donc, le funk est toujours fort avec DJ Abdel. Et donc, c'est parti. Let's Boogie de DJ Abdel. Et c'est où? Mais c'est sur iFunk, mes potos. Allez, c'est parti. Et vive le funk. Ooh, yeah, baby. Ooh, it's time to disco down now, yeah. Come on, let's get it on. Till the break of dawn, baby. Yeah. Yes, we do. Let's boogie. Oh, yeah. Let's dance, baby. Ce sont DJ Abdel, Let's Boogie. Je vous invite vraiment à écouter beaucoup des remixes de DJ Abdel. kiffants. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. C'est juste géniaux. Alors, juste petite info, pour ceux qui regardaient justement Funky Cops, ce qui est marrant, c'est que bah, moi, c'est simple, dans les années 80-90, mes acteurs préférés, c'était Jim Carrey et Eddie Murphy. Il se trouve que ce sont les doubleurs de Jim Carrey et Eddie Murphy qui font donc les deux protagonistes de la série. C'est plutôt sympa à écouter, à regarder aussi. Je crois que les derniers étaient sur Game One. Hein. Voilà. Pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir, vous avez que du funk dans cette émission, dans cet animé-là. C'est un dessin animé. Et vous avez que du son funk dedans. Et il danse tout le temps à la fin. C'est génial. C'est un peu tel que la vie devrait être normalement, n'est-ce pas? En tous les cas, eh bien, vous êtes où? Vous êtes sur iFunk, mes amis. Vous êtes sur iFunk. Vous êtes sur Fadjet. Vous êtes sur le 94.2. Et j'espère que ça funk chez vous. Hein? Alors, en tous les cas, bah, moi, ça funk, hein, comme d'habitude. Alors, là, bah, comme d'habitude, on va choisir un peu quel type de son je vais vous mettre. Alors, j'ai envie de vous mettre un peu la loi de Murphy. Alors, la loi de Murphy, ça fait un petit peu scientifique, mais je vous assure que la version musicale est plutôt sympa. Et c'est parti, je balance ça tout de suite. Donc, Murphy, et c'est sur iFunk. Let's go! Out to get Cherry de Murphy's Law. Sont sortis en 1982. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet, 2019, alors c'est très peu probable, mais bon, va de béton, il y a une reprise qui a été faite, je crois. Je l'ai entendu en mangeant un truc une fois, mais l'original est bien de 1982. Alors, juste, hein, petite info, bon, il s'agit d'un duo, une canadienne, américaine, ça a cartonné. Par contre, chose qui est sympa, parce que bah, tout le monde ne se souvient pas forcément de la loi de Murphy, mais la loi de Murphy, ça veut dire en gros que peu importe ce qui se passe, ça se passera forcément mal. Alors, du coup, bon, bah, je pense que cette personne-là n'a pas eu de funk dans sa vie, ou pas assez, puisque évidemment, quand vous écoutez du funk, tout ne peut arriver que bien. Ah, on dirait un slogan un petit peu. En tous les cas, bah, moi, ça me fait super plaisir de vous avoir. Le temps passe super vite. Hein, et ça fait déjà 17 minutes à peu près hein, qu'on est là ensemble. Il ne nous reste plus beaucoup de temps déjà. Le temps passe vite pour découvrir des nouveaux sons. Bah, du coup, j'ai envie de... Ah, j'hésite comme d'habitude. Hein, c'est toujours ça. Allez, c'est parti. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir évidemment un son que j'aime particulièrement, je les aime particulièrement tous. Il s'agit de Earth, Wind and Fire, In the Stone. Et c'est parti, et c'est sur iFunk, et c'est sur Radio Fudget, et c'est sur 94.2, et c'est dans le soleil, la joie, et le funk, et la bonne humeur. Let's go! hein, ce sont évidemment Earth, Wind and Fire in the Storm. Alors, pour ceux qui regardaient la télévision aux époques des années 80, n'est-ce pas, plutôt à partir des années 89 et dans les années 90, bah, il vous dit peut-être un certain générique. Effectivement, c'est qui est du générique de Ciné Dimanche, hein, c'est ça, Ciné Dimanche, tout à fait. Et donc, bah, c'est là où on pouvait toujours écouter en générique. Eh bien, ce sont là, évidemment, ce sont là, date d'un petit peu avant, hein, 1979. Il fait partie de l'album I Am. Et donc, bah, évidemment, je vous le cache pas, comme c'est un son Earth, Wind and Fire, bah, ça a toujours cartonné, hein, comme d'habitude. Voilà, en tous les cas, bah, je sais, hein, pendant 5 minutes des 30 minutes que j'ai, je dis toujours que j'ai plus assez beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors, en tous les cas, bah, j'ai envie tout de suite, on va aller très vite pour vous faire découvrir ou redécouvrir, évidemment, un son qui va vous faire danser, forcément. J'ai bien, évidemment, en tête, et ben, The Commodores. Lady, you bring me up. Et c'est sur Fadjet, c'est parti. Et vive le funk, mes amis. Dansez, dansez où vous pouvez, on s'en fout. C'est le funk, hein, n'est-ce pas? de The Commodores. Alors, si vous écoutez bien, certainement vous avez pu vous rendre compte que il y a un certain chanteur qui vous dit quelque chose, d'accord ? C'est normal puisque c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Lionel Richie. Eh oui, Lionel Richie de base faisait partie des Commodores, d'accord ? Et donc là, c'est un des derniers singles qui ont cartonné, d'ailleurs, un des derniers sons. Où on pourra encore l'entendre dans le groupe. Après, eh bien, il va faire sa carrière solo qu'on connaît. Ce son a été fait en 1981. Alors, eh ben, il est déjà 27. Il est déjà 27. Le temps passe trop vite. Et moi, j'ai envie de vous mettre encore du son. J'ai envie de finir quand même sur du James Brown. Alors, juste pour vous expliquer comment je finis, généralement, c'est toujours sur le son, hein, le son de la fin, d'accord. Ce qui va me permettre, je vais lancer tout de suite. Pendant que je lance, je vais discuter un petit peu avec vous. Et puis ensuite, je vous laisse tranquille. Donc là, je lance tout de suite James Brown, Living in America. J'en profite, eh bien, pour vous souhaiter un excellent week-end, une excellente semaine, un excellent funk, plein de choses excellentes. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère, eh bien, évidemment, vous revoir dès la rentrée, hein, pour encore plus de funk, encore plus de disco. Et puis, vous pouvez m'entendre aussi le vendredi où je vais plutôt présenter essentiellement des sons soul, hein, puisqu'on est tranquille, hein, c'est le début de l'après-midi vendredi. Alors que samedi, on est là pour bouger. Allez, c'est parti. Moi, je vous dis ciao, ciao, ciao. Et je vous laisse avec James Brown, le parrain du funk. Living in America. Living in America.